c'est comme ça, je suis dans mon monde. Je roule à moi, je bois, rhum et puis je tombe. Ouais, c'est comme ça, je suis dans mon monde. Je suis dans mon monde. Je me pose au calme, je suis détendu, souvent hors cadre, il est tordu. J'oublie qu'on vit dans ces temps durs. Dès que je reconnecte, ouais, c'est tendu, toujours plus de combats. Tellement que tout le monde est dispersé, divisé pour mieux régner. En stock encore plein de coups bas. Sous la pression, la vie m'écrase. Je veux pas être riche, mais un ex-pauvre. Je veux qu'on mette pause à chaque phrase. Je veux que chaque phase soit une expo. Bien vivre, décemment, ouais, c'est tout ce que je veux. Je navigue en eau trouble, mais je fais ce que je peux. Ouais, c'est comme ça, je suis dans mon monde. Je roule à moi, je bois rhum et puis je tombe. Ouais, c'est comme ça, je suis dans mon monde. Au fond du gouffre, je me fais du mal pour calmer la douleur. Oui, quand j'étouffe, je mets un tarlu dans mes poumons de fumeur. Je me prends la tête à chaque fois et je sais même pas pourquoi. Faut que je la relève à chaque pas et que je le fasse pour moi. Plus de temps à perdre, j'en ai donné assez. Pourtant, prêt à t'offrir ce que j'ai dans l'assiette. En manque de tout, comment rester assis? Moi, je veux de l'oseille comme le Milan AC. Malheureusement, on m'appelle ici. Je vois plus de femmes que de billets violés. Interdisent le hijab, ils ont le monopole de la face voilée. Ouais, c'est comme ça, je suis dans mon monde. Je roule à moi, je bois rhum et puis je tombe. Ouais, c'est comme ça, je suis dans mon monde. Je suis dans mon monde. Ouais, c'est comme ça, je suis dans mon monde. Je roule à moi, je bois rhum et puis je tombe. Ouais, c'est comme ça, je suis dans mon monde.